Ce matin, nous allons continuer à étudier. La semaine passée, nous avons regardé quelques versets. On avait étudié les trois premiers versets, je pense. Oups, je suis pas dans le bon texte, moi. Chapitre 1, que je dois être. Hein? Voilà. Cette fois-ci, on a fait le verset 1 et 2 et 3. Faites ça ensemble, le verset 1, 2, 3. Et cette semaine, nous allons à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. On va les lire ensemble, si vous voulez bien commencer, pour commencer. Et on va voir qu'est-ce qu'il veut faire, il veut nous dire. Jean aux sept églises qui sont en Asie. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. De la part des sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu notre son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Mais ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Jésus, celui qui est, qui était, qui vient, le Tout-Puissant. Donc, on va étudier ces cinq versets-là ce matin et on va voir ensemble qu'est-ce qu'il veut nous dire. On ne peut pas aimer Dieu plus qu'on le connaît. Et on va le connaître à la même grandeur. On va l'aimer, je veux dire, à la même capacité, à la même grandeur qu'on le connaît, qu'on comprend qui qu'il est et qu'est-ce qu'il est en train de faire. On ne demande pas à nos conjoints d'autre chose que souvent de nous comprendre seulement. Juste de nous comprendre. On ne demande pas d'être toujours d'accord. On demande de nous comprendre. Et Dieu veut qu'on le comprenne. Dieu veut qu'on saisisse qui il est, lui, et qu'est-ce qu'il est en train de faire dans ce monde. Je ne sais pas si vous demandez ça des fois aux inconvertis, qui sont des croyants, qui croient dans une espèce de Dieu, en tout cas, qu'il y a un Dieu qui existe. Pourquoi tu penses que Dieu a créé le monde? Et la part du temps, ils ne savent pas vraiment pourquoi. Ils ne comprennent pas pourquoi. Nous, les croyants, on est supposé comprendre un peu plus, du moins, de savoir pourquoi Dieu a créé le monde, pourquoi il l'a fait. Et un peu la même chose quand on étudie le livre de l'Apocalypse, pourquoi Dieu nous parle-t-il de cela? Pourquoi il veut nous dire comment ça va finir et qu'est-ce qui va arriver à la fin? Et c'est ce matin, nous allons comprendre ça un petit peu plus. Quel est le souhait? J'ai marqué comme titre les quatre souhaits de Jean pour le livre de l'Apocalypse. Qu'est-ce qu'il souhaite que ça va accomplir, ce livre-là, dans notre vie, et dans la vie de l'Église, et dans la vie de Dieu, et dans l'histoire du peuple de Dieu? Il désire des choses. Et pour que nous, on puisse le comprendre, ce livre-là, des fois, qu'on dit si compliqué, c'est peut-être parce qu'on n'a pas compris pourquoi il l'avait écrit, le livre. Il y a un but avec ce livre-là. C'est toujours le grand mandat de l'étudiant de la Bible. Pourquoi l'auteur a-t-il écrit le livre qu'il a écrit? Pourquoi il a fait ça? Il n'est certainement pas à vouloir me dire des choses, des fois, que moi, je cherche dans ce livre-là des choses, puis lui, il ne voulait pas me le dire, donc je ne comprends pas. Il y a beaucoup de gens qui nous posent des questions sur la Dieu, qu'est-ce que Dieu pense de ça? Qu'est-ce que Dieu dit de ça? Je suis obligé de leur dire, je ne sais pas, il ne l'a pas écrit. Je ne sais pas. Ce n'était pas son but d'écrire la Bible. Des fois, les chrétiens disent, on a toutes nos réponses dans la Bible. On a des réponses à lesquelles Dieu a bien voulu répondre. Il y a des réponses qu'on ne trouve pas parce que Dieu n'a pas voulu y répondre, tout simplement. Donc, nous, on doit poser les bonnes questions au livre si on veut avoir les réponses pour que lui veut nous donner. Vous savez, il y a des grandes similitudes entre la Genèse et l'Apocalypse. Dites-moi comment vous comprenez la Genèse. Je vais découvrir pas mal comment vous allez interpréter l'Apocalypse. Et si vous me dites comment vous interprétez l'Apocalypse, vous allez probablement découvrir un petit peu comment vous interprétez la Genèse. Parce que les conflits dans les églises, des fois, à nouveau de l'Apocalypse, se reflètent aussi des conflits dans la Genèse. C'est le même conflit, les mêmes difficultés. Comment on interprète ces deux points? Parce que les deux ne sont pas évidents. Un Dieu qui apparaît de nowhere, un Dieu qui apparaît, puis on ne sait pas de ce qu'il vient. Et là, premier verset, Dieu créa les cieux et la terre. Où est-ce qu'il vient, Dieu? On ne sait pas. On ne sait pas. Puis là, il commence. Pourquoi il a fait la terre? C'est qui me pose la question? C'est même si on est nous autres, il me semble, des chrétiens. Pourquoi Dieu a commencé ça? Pourquoi il a créé ça? Ça faisait des éternités en arrière de lui, qui vivait, parce qu'il a toujours été vivant. Il a vécu sans nous autres, il a vécu sans la terre. Si la terre il y en a qui disent qu'elle a 100 millions d'années, ou 200 millions, si elle a 200 millions d'années, bon, OK, mettons ça. Lui, il a vécu des milliards d'années avant que ça vienne, ça. Comment est-ce qu'il vivait pourtant? Moi, j'ai l'impression qu'il devait être heureux, il était Dieu. Pourquoi tout d'un coup, il a décidé qu'il faisait une terre? C'est pas toujours évident de répondre à la question. C'est pas toujours évident de répondre à la question. Les seules réponses qu'on peut y avoir, c'est un petit peu dans la Bible, qu'est-ce qu'on peut trouver. Et ça devrait, selon la pensée de Dieu, nous satisfaire, pour le moment, du moins. Dans la Genèse, vous avez le début du monde, tel que Dieu l'a créé. Et dans l'Apocalypse, nous avons la fin du monde. Au début, on a dans l'Apocalypse, dans la Genèse, l'entrée du péché dans le monde. Et dans l'Apocalypse, on a la sortie du péché. Le péché est enlevé. Le péché n'est plus là. Le péché va être complètement envoyé dans une place qu'on appelle l'enfer, enfermé là, il n'y en aura plus pour l'éternité. Ça va être fini. Donc, dans la Genèse, on voit le péché qui arrive dans le monde. Dans l'Apocalypse, le péché sort du monde, pour toujours. Dans la Genèse, on voit l'apparition de la mort. Dans l'Apocalypse, on voit la disparition de la mort. La mort est effacée pour toujours. Dans le sens qu'on ne la verrait plus, du moins. Et dans la Genèse, vous avez la victoire de Satan. Mais dans l'Apocalypse, nous avons la défaite de Satan. Donc, ça va ensemble, ça. Hein? Ça a commencé d'une telle façon et ça va finir d'une telle façon. Et ça se rejoint. Entre les deux, ça nous dit comment ça va se passer. Donc, tout entre les deux pages, entre la première page et la dernière, ils nous disent, voici comment ça a commencé, qu'est-ce qui est arrivé, comment Dieu va réparer ça et comment ça va finir. C'est simple, on résume la Bible dans une petite ligne. Ça a commencé comme ça, c'est arrivé ça, Dieu a réparé ça comme ça, voici comment ça va finir. Et ça, c'est l'Apocalypse, c'est comment ça va finir. Et c'est intéressant pour nous, parce que nous allons en jouir. Nous allons en jouir. On a vu ensemble que l'Apocalypse, c'était Dieu qui avait parlé à Jésus. Jésus a parlé à son ange. L'ange a parlé à Jean, l'apôtre. Et Jean l'a écrit puis nous l'a donné à nous, aux églises. Qui étaient. Donc, il y a eu pas mal de jeux du téléphone. Hein? Dieu à Jésus, Jésus à l'ange, l'ange à Jean à nous. Une chance que Dieu a supervisé ça, parce que actuellement, Dieu a fait le jeu du téléphone. Mm-hmm. Vous dites au début que vous avez acheté une vache, puis ça finit que vous avez acheté un gros char. Donc, ça change s'en allant. Mais Dieu merci, ça n'a pas fait ça. Non. Qu'est-ce que vous savez sur Jean? Qu'est-ce que vous savez sur l'auteur Jean dans votre vie? Qu'est-ce que vous connaissez de Jean l'apôtre? Allez-y. Qu'est-ce que vous savez de lui? Celui que Jésus aimait. Hein, il est appelé comme ça, celui que Jésus aimait. D'autres choses que vous savez de lui? C'est ça, il a écrit d'autres livres, il a écrit l'Évangile, puis il a écrit trois petites épîtres. Donc, ça va nous. Si on connaît les Évangiles, qu'on connaît les épîtres, on va mieux comprendre aussi l'Apocalypse après, parce que c'est le même auteur. D'autres choses que vous connaissez de lui? Il y avait un frère qui s'appelait Jacques, hein? D'autres choses? Oui. Dieu a dit, voici ta mère, voici ton fils. Il lui a confié pour qu'il en prenne soin parce qu'il n'y avait pas de BS dans ce temps-là. Il n'y avait pas d'allocation du gouvernement pour les veuves. Non, c'était, il n'y avait pas de, comment est-ce qu'on appelle ça, les jeunes des rentes, il n'y avait rien de ça. Donc, une femme qui n'avait pas le droit de travailler, qui n'avait pas le droit de posséder rien, parce qu'une femme n'avait pas le droit de posséder dans ce temps-là. Pas le droit de posséder, pas le droit de travailler. T'as de la misère, hein? T'as de la misère. Fait que quelqu'un prenne soin de toi automatiquement comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on sait d'autre de lui? La Bible dit qu'il était un serviteur, la Bible dit qu'il était un prophète. Et dans l'Apocalypse, c'est une chose qu'on va surtout l'entendre, il va dire qu'il est un témoin. Un témoin. Qui a déjà été témoin en cours? Quelqu'un a déjà été témoin en cours? Une, deux personnes? Moi, je n'ai jamais été témoin en cours. Il y en a qui ont été. Qu'est-ce que vous avez été faire là? Hein? Ah, vous êtes brillantes, mes sœurs, vous êtes brillantes. Vous pouvez-vous nous expliquer ce que vous avez dit à être témoigné maintenant? Ah, voilà. Des choses que vous avez vues ou des choses que vous avez entendues, hein, ou des choses que vous avez faites, ou quelque chose de même, mais vous êtes des témoins. Et Jean va nous dire à plusieurs reprises qu'il est un témoin, et le mot, là, il y a un mot qui revient des dizaines de fois. Et j'ai entendu, et j'ai entendu, et j'entends, Jean a entendu des choses pendant qu'il était dans ses visions, dans ses apparitions, où Dieu est venu le prendre, il l'a amené au ciel, puis il dit, regarde, il dit, j'ai entendu une grande foule, j'ai entendu une voix comme un tonnerre, j'ai entendu des anges, il a entendu des choses. Donc, le livre de la Bible, d'Apocalypse, c'est un livre de ce que Jean a entendu. Il a entendu, puis il l'a écrit. Puis il y a une autre chose qu'il va dire, que ce que mes sœurs ont dit, des choses qu'il et je vis. Il y a des dizaines de fois, il a vu des choses, des images, de toutes sortes de choses, de grosses bébites, de petites bébites, il a vu des images de temples, d'arches de l'Alliance, il a vu des images du ciel, des images de trônes, des images de vieillards, il a vu toutes sortes de choses. Et il s'y a vu, il l'a écrit. Parce que l'auteur, qui était l'ange, qui parlait de la part de Jésus, qui parlait de la part de Dieu, il disait tout le temps, écris ce que tu as vu, écris ce que tu as entendu, écris, afin que ce soit donné aux églises, à son peuple. Donc, la même chose que Dieu avait dit à Moïse, écris, il a dit aussi à Jean, écris, afin que le peuple de Dieu sache qu'est-ce que tu as entendu et ce que tu as vu. Donc, il l'a écrit. Il a écrit cela. Donc, c'est ce que Jean est. Il est un témoin de ce que Dieu va faire dans l'avenir. Parce qu'il dit au chapitre 4, « Monte ici, je vais te montrer les choses qui doivent arriver. » L'avenir. Comment est-ce qu'on aimerait voir l'avenir? Hein? On aimerait ça voir qu'est-ce qui va arriver dans l'avenir. Juste si c'est beau. Juste si c'est positif. On ne veut pas voir les choses négatives. Non. Juste voir les choses positives. Mais ici, il va nous en donner, ce qu'il va voir, ce qu'il va dire, là, c'est des choses infiniment positives et infiniment négatives. Il va nous parler du ciel et de la présence de Dieu, qui est la gloire, qui est la lumière, qui est la splendeur, qui est la beauté. Et il va nous parler aussi du diable, du péché, de la destruction, des famines, des fléaux. Il va nous parler des deux. Il y en a un qui m'a dit une fois, il dit, ça se peut pas que Dieu nous ait envoyé quelque chose en enfer. Dieu est infiniment bon. Donc, il dit, il est toujours infini, Dieu, dans tout ce qu'il fait. Infiniment bon, puis infiniment juste. Quand il récompense à l'infini. Et quand il punit à l'infini, parce qu'il est toujours infini. Lui est un être qui est infini. Dans tout ce qu'il dit, dans tout ce qu'il fait, il est comme ça, Dieu. Donc, s'il récompense, il aime à l'infini. Mais s'il hait quelqu'un, s'il haït quelqu'un, il l'haït à l'infini aussi. Et quand il dit dans l'Apocalypse qu'il va faire du bien à son peuple, qu'il aime son peuple, c'est merveilleux. Mais quand il dit, je me mets en colère contre les ceux qui m'ont percé, comme on a vu tout à l'heure, oups, la colère de Dieu, c'est épouvantable. Et donc, il a écrit ça, puis il va nous parler de ça. Pendant tout le livre, il va nous parler de l'infinie bonté de Dieu, de l'infinie puissance de Dieu. En même temps, il va nous montrer l'infinie colère de Dieu contre ceux qui n'ont pas voulu l'accepter, qui l'ont rejeté. Souvenez-vous que c'est que pourquoi ça a été écrit, c'est une portion de Dieu, que Dieu il voulait produire dans l'Église là. La première chose qu'il veut produire, c'était là. Repentance. Dans les 16 églises, il dit « Repends-toi! Repends-toi! Repends-toi! » Il dit ça à l'église. Deuxième chose, il dit à l'église, il voulait produire la persévérance. C'est dit persévère jusqu'à la fin, persévère jusqu'à la fin, persévère jusqu'à la fin, parce que si tu ne persévères pas, voici ce qui va arriver. Si tu persévères, voici ce qui va arriver. Mais il dit, souvenez-vous, il a dit à Moïse sur le mont Sinaï, il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis. Avec l'Apocalypse, il fait la même chose. Il dit, je mets devant toi la mort et la vie. Choisis. C'est drôle qu'il dise ça à l'Église. C'est à l'Église qu'il le dit. Il n'est pas sans inconverti, je vous l'ai dit. L'Apocalypse n'a pas été écrit pour les non-chrétiens. Elle a été écrite pour les chrétiens. Afin que l'Église se repente de ce qu'elle est en train de vivre et qu'elle persévère jusqu'à la fin. Et finalement, on a vu qu'il voulait produire l'adoration de l'Église. Que l'Église adore son Dieu. Parce que l'Église, dans ce qu'elle est en train de vivre, dans de fortes persécutions, elle se demandait si le Dieu en qui elle avait cru était vraiment le Dieu suprême. Parce que tout d'un coup, elle vivait des choses épouvantables. Je vous avais dit, ils ne sont pas si différents que ça, parce que je vous dis que les chrétiens, dans ma propre vie, quand ça va mal, quand tout va croche, quand tout va contraire à ce que moi je voudrais que ça aille, je me demande toujours si Dieu est en train de faire de quoi. Il est sous contrôle, donc? Pourquoi il permet tout ça dans ma vie? Là? Pourquoi ça m'arrive, ça? Pourquoi c'est comme ça, là? Là, je remets en question Dieu lui-même. Là. Dieu, es-tu puissant? Dieu contrôle-tu tout? Dieu m'aime-tu vraiment? Parce que me semble, s'il m'aimerait, il ne permettrait pas ça. Me semble, s'il m'aimerait, il ne ferait pas ça. Notre pensée taïenne, si Dieu serait si bon, hein, il ne permettrait pas ça. Si Dieu aimerait le monde, il détruirait le mal. Si Dieu aimait ainsi, c'est pourquoi? Quand ça ne va pas bien, on blâme Dieu. On ne dit pas toujours le mot Dieu, mais c'est ça pareil. Je ne sais pas si vous avez tendance, quand ça va mal, vous autres, de blâmer les autres. C'est ta faute. C'est ta faute. C'est toujours la faute de quelqu'un. Hein? Oh, mais c'est toujours la faute de quelqu'un. Dans notre folie, on dit que c'est souvent la faute de Dieu aussi. Mais là, on se trompe parce que c'est jamais la faute de Dieu. C'est jamais la faute de Dieu si ça va mal. Les quatre souhaits de Jean. Jean a quatre choses dans son cœur qu'il souhaite que le livre va produire, qu'on voit ce qui va se produire. Le premier souhait, au verset 4, qu'est-ce qu'il dit? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui était et qui vient, de la part de sept esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés et qui nous a aimés par son sang. Et là, on peut... Mais il dit, premièrement, il souhaite la grâce et la paix. Ceux qui étaient là cette semaine, avec Éphésiens, on avait étudié ça, hein? L'apôtre Paul dit, je vous souhaite la grâce et la paix de la part de Dieu et de la part de Jésus-Christ, son Fils. Puis c'est la même chose ici. Je veux que vous ayez la grâce et la paix. Ceux qui étaient là mercredi cette semaine, vous pouvez dormir pendant quelques secondes, on va parler aux autres qui n'étaient pas là. Comment est-ce qu'ils saluaient les Juifs entre eux autres? Shalom. Shalom. Ils disaient ça, Shalom. Puis quand je suis en Israël, ils font encore ça. Les Juifs entre eux autres se souhaitent Shalom, ce qui veut dire paix. Jérusalem veut dire quoi? En hébreu, ils disent Yézou Shalom, qui veut dire ville de paix. La ville de la paix. Parce que Dieu dit ça souvent à Israël, hein? Ville de paix. Jérusalem, ce que je souhaite pour toi, c'est la paix. Je veux que tu sois en paix. Une fois, je suis allé voir un psychologue, puis il dit, François, quel est ton plus grand souhait dans la vie? Et j'avais peur qu'il me pose la question, là. Il a dit, qu'est-ce qu'il veut, là? Et j'ai réfléchi pendant quelques instants. Il dit, ce que je désire le plus, c'est la paix. Je veux avoir la paix. Et il dit, ça, c'est dangereux, mon gars. Il dit, qu'est-ce que tu es prêt à faire pour avoir la paix? Il dit, presque tout ce que je peux faire pour avoir la paix. Mais il dit, c'est pas évident, ce monde-là. On veut la paix. On dit ça des fois, la sainte paix. Hein? On dit ça, c'est pas, j'aimerais avoir la sainte paix. On veut la paix. On veut la paix. Dieu dit, je te la souhaite la paix, François. Je te la souhaite la paix et la grâce. Je veux que ta vie soit une vie de grâce et de paix. Et ça, ça va venir comment? Ça vient comment? Nous, on pense que la grâce et la paix, parce que le mot grâce, ça peut dire, c'est pas la grâce dans le sens que je te souhaite de ne pas tes péchés te soient pardonnés, parce qu'on est déjà gracié. Mais il est en train de dire, je te souhaite la grâce dans le sens que la bénédiction coule sur toi. C'est le mot faveur de Dieu. Je te souhaite la faveur de Dieu. Je souhaite que Dieu découle sur toi toute sa bonté, toute sa faveur, toute sa grâce de Dieu coule sur toi et que la paix de Dieu envahisse ta vie. Un beau souhait, hein? Tu sais qu'on se rend compte aujourd'hui, on se fait toutes sortes de souhaits. Je ne dirais pas le mot que je pense, là, mais toutes sortes de souhaits qui, en général, ne se réalisent jamais. Je te souhaite ci, je te souhaite ça, je te souhaite ci. Finalement, quelques semaines après, tout va mal, tu meurs, puis tu es malade, puis c'est beau souhaiter ce que tu voudras, ça ne changera pas grand-chose. Hein. Mais ça exprime notre cœur. Hein. On aime quelqu'un, on voudrait bien que ça aille bien pour lui. On voudrait que ça fonctionne bien pour lui. C'est notre désir. Mais Dieu, c'est la même chose. Son cœur veut pour nous autres grâce et paix. Donc, le plan de Dieu pour nous, c'est jamais que ça aille mal. Non. Il veut que la grâce et la paix soient dans notre vie. Mais ça va venir comment? Dans notre tête, à nous autres, on pense que la grâce et la paix, c'est l'absence de difficultés ou de guerre. Guerre familiale, guerre sociale, guerre d'église, guerre dans notre petite tête à nous autres. Hein? On pense qu'on va avoir la grâce ou la faveur de Dieu quand tout va bien. N'est-ce pas? C'est ça qu'on pense. Et puis comme vous pensez, puis comme je pense, c'est ça que je pense aussi, les chrétiens du premier siècle pensaient comme ça aussi. Ils ont aussi pensé comme ça. Et là, dans leur tête, dans ce qu'ils vivaient en tant qu'Église, ça allait super mal. À cause qu'ils étaient des chrétiens. Imaginez-vous moi aussi, puis j'ai connu des chrétiens, comment on a pensé que le fait de devenir chrétien, ça réglerait des problèmes dans notre vie? J'ai entendu des prédications là-dessus. Accepte le Seigneur, ça va aller mieux dans ta vie, toi. C'est vrai et c'est faux. Dépendamment, qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis ça? Ça va aller mieux. Qu'est-ce que tu veux dire que ça va aller mieux, là? Un jour, ma soeur avait écouté des cassettes que j'avais passées. Elle a dit, François, si j'accepte le Seigneur, là, ça va-tu aller mieux avec mon mari et mes enfants? Elle a vécu un temps très difficile. Son mari l'avait trompée. Et là, elle est tentée de faire le divorce. Puis ça allait mal, son affaire. Elle dit, ça va-tu aller mieux avec mon mari et mes enfants? Et je lui ai dit, quoi vous pensez? Je lui ai dit, non, je ne peux pas te promettre ça. Mais je peux te promettre que toi, tu vas être plus équipé pour faire face à tout ça présent. C'est que tu comprends ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Tu comprends ce que Dieu a pour but dans ta vie. Mais je ne peux pas te promettre un jardin de roses. Et elle a rejeté l'Évangile. Elle dit, j'en veux pas de ça. Bon, c'est ça, j'en veux pas. Et combien d'hommes et de femmes sont venus au Seigneur, sont venus à l'Église, sont venus chrétiens, et avec ces pensées-là dans leur tête, oh Dieu, gloire à Dieu, il prend son temps, puis il nous fait changer tranquillement, il nous amène à comprendre pourquoi il nous a sauvés. Puis combien je n'ai vu dans les églises repartir, s'en aller, rejeter tout ça, parce que ce n'est pas ça qu'ils voulaient avoir. Ils étaient venus au Seigneur pour que ça aille mieux dans leur vie, qu'il y ait moins de difficultés. Écoutez, puis j'écoutais une émission cette semaine, toutes les religions du monde prient leur Dieu pour que ça y aille bien. Prospérité, santé, la gloire, tout, c'est tout ça qu'ils veulent. Donne-nous le paradis sur la terre. C'est ça qu'on veut dans le fond, Seigneur, puis là, on va dire que tu es un bon Dieu. Mais si tu ne fais pas ça, on se demande si on va rester avec toi. Hein. C'est ça que l'Église vivait. Repends-toi. Repends-toi. Et persévère jusqu'à la fin, même dans tout ce que tu vis là présentement, toute la merde dans laquelle que tu es, à cause de l'Évangile. Toff! Garde ça. Garde-la. Garde la parole. Aie foi en moi. Donc, il nous souhaite la grâce et la paix. De la part d'eux, qui va nous donner la grâce et la paix? Pas ma femme. Non, non, non, non. Elle me donne de la misère. Tu ne dis pas ça, par exemple. On s'est enregistré. Bon. Peut-être pas que c'est ta femme. Mais pas mon mari, pas mes enfants, pas mon boss, pas mon gouvernement, c'est pas les autres qui vont me donner la paix. Fait, faut pas que je m'attende à ça. Si je m'attends à ça, je vous garantis, vous allez être déçus. Bien déçus. Parce qu'ils feront jamais ça. Eric Rabe disait dans ses cours de psychologie, les hommes et les femmes se marient, puis c'est deux puces, pas de chien. Vous savez que ça fait une puce sur un chien? Ça le mord pour avoir du sang, c'est tout ce que ça veut. Ça veut rien savoir du chien. Il dit, le mariage, c'est comme ça. C'est deux personnes qui viennent ensemble, puis c'est deux puces, pas de chien. Ils veulent avoir de l'autre quelque chose. Mais il n'y a pas de chien à mordre. Et là, je quand commence. On vient pour que l'autre comble des besoins. Il n'est pas capable de les combler. Il n'est pas capable. Mais il dit, ça va être de la part de qui le premier? De celui qui est, qui était et qui vient. C'est qui celui-là? Hein? C'est Dieu, celui qui existe de tous les temps. Celui qui est là, qui est vivant de tous les temps. Dans l'éternité passée et future. Il est toujours là. Et je te souhaite que lui te donne la paix et la faveur, ou la grâce, ou la bonté. Que lui te donne une vie remplie, ou comme on le dit dans l'Évangile de Jean, chapitre 10, une vie en abondance. C'est lui qui va te la donner. Après ça, il dit de la part des sept esprits qui sont devant son trône. Voilà, c'est qui ce personnage-là? Sept esprits devant son trône. N'as-tu qu'ils ont d'autres traductions? Non, le mot sept a un sens particulier chez les Juifs. Le mot sept, ça parle de plénitude, ce qui est plein, ce qui est complet en soi. Ça, vous allez voir, 7, 14, c'est des chiffres qui marchent avec la plénitude. 21, vous allez voir, il y a 7 sauts, il y a 7 trompettes, il y a 7 coupes qui fait 21. C'est des complexes de 7. Ça veut dire la plénitude de quelque chose. Ici, ça représente, selon moi, l'Esprit de Dieu. Les 7 esprits, c'est l'Esprit de Dieu qui est devant le trône de Dieu. Je pense qu'il parle de la Trinité, c'est de l'Esprit. Puis ensuite, il va parler de la part de Jésus. Donc, c'est Dieu dans son ensemble. Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit et Dieu Jésus, le Fils. Il dit aux autres, ce Dieu-là qui va vous donner la grâce et la paix. Il dit, Jésus, comment est-ce qu'il l'appelle? Le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. Savez-vous qu'est-ce qui ressort de ça, là? Il dit, je vous parle de celui qui est, qui était, et qui était, est assis sur son trône, les sept esprits qui sont autour du trône, et le prince des rois de la terre. Qu'est-ce que ça sonne dans votre tête, ça? Souverain. Moi, j'appelle ça ceux qui dirigent, ceux qui contrôlent, ceux qui sont au contrôle de toutes choses, ceux qui conduisent toutes choses. Il y a un verset qui me fait bien plaisir quand je lis dans les psaumes qui dit « Lors du déluge, Dieu était assis sur son trône. » Ça veut dire qu'il n'a pas perdu les pédales. Vous saviez cette expression-là, « perdre les pédales » Oui, c'est comme moi, hein, on fait du bicycle. Quand je parle de pédales, ça veut dire quoi? Ça va trop vite, ça descend trop vite. Et là, je pédale dans le bug, les pieds me débarquent sur les pédales. J'ai perdu les pédales, ça allait trop vite. J'ai perdu le contrôle, puis c'est mon bicycle, ça va comme ça. Ça arrive, des fois, je fais ça. Et là, je commence à avoir peur dans ce temps-là. Mais Dieu, il dit, il n'a pas perdu les pédales. Il était assis sur son trône. C'est qu'il regardait ça en souverain. Il n'avait pas perdu. Et savez-vous combien le mot trône revient souvent dans l'Apocalypse? Au-dessus de 40 fois, le mot trône revient. Donc, ça parle de puissance. Ça parle de contrôle. Ça parle de quelqu'un qui dirige, quelqu'un qui est en train de prendre le monopole, qui est le roi. Hein, qui est le roi. Et ici, il dit, Dieu est assis sur son trône, l'Esprit est en avant du trône, le Fils est le roi de tous les princes de la terre, c'est le roi des rois qu'on appelle le Seigneur des seigneurs. Donc, ils ont le contrôle absolu. S'il y en a qui peuvent nous donner la grâce et la paix, c'est bien ces trois-là. C'est bien ces trois-là. Les autres sont incapables. Frères et sœurs, encourageons-nous. N'ayons pas des fausses attentes des autres. On a beaucoup trop d'attentes des autres qui ne vont jamais se réaliser, puis ils vont nous décevoir, puis on va les décevoir parce qu'on n'est pas capable. Il faut toujours tourner le regard vers Dieu. Combien de fois j'ai dit à mes enfants, il ne faut pas vous avoir des trop grosses attentes de votre père, parce qu'il n'est pas capable de faire grand-chose de bien. Ayez des attentes de la part de Dieu, parce que votre père va toujours vous décevoir. Quelqu'un était assez vieux et assez game, ils me l'ont dit. Que je les avais déçus. Je les ai dit, pourtant, je vous l'avais bien dit. Vous avez des fausses attentes. On s'attend trop des autres. Ils ne sont pas capables. Et quand vous attendez de quelqu'un, qu'est-ce que ça fait? Vous avez une déception, mais qu'est-ce que ça va faire à l'autre? Une charge, un fardeau. Ça dépend de moi, sainte bonne humeur. Ça dépend de moi, sainte heureuse. Ça dépend de moi, ça sent sécure. Ça dépend de moi. Ça dépend de moi si lui est de bonne humeur. Ça dépend. Et ça, c'est un fardeau épouvantable, émotionnellement, sur nous autres. Parce qu'on fait, on dit à l'autre, on fait croire à l'autre, on fait penser à l'autre, c'est ta faute. Si je suis pas heureux ou heureuse. Mais avec Dieu, on ne sera jamais déçu. Jamais déçu. Là, il dit, à celui, on continue la même chose, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Ça, c'est un autre souhait. Il dit, je vous souhaite la grâce et la paix de la part de Dieu. Maintenant, il y a un autre souhait. Il souhaite la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance. Non, je vais vous écrire ce livre-là, où Dieu vous passe le message à travers Jésus, son ange Jean. Il dit, je vous passe le message pour que vous souhaitiez, que vous vouliez la gloire de Jésus. Que vous recherchiez la gloire de Jésus. Que vous recherchiez la puissance de Jésus. Pas la puissance pour nous autres, mais que le mot veut dire c'est que lui établisse sa puissance, son règne. C'est ça qu'il souhaite. Il souhaite que Christ, on ne le voit plus sur la croix, mais qu'on le voit sur un trône. La plupart des films là, sur Jésus, ils parlent de quoi? Sa crucifixion, la plupart. Sa naissance un petit peu, et un petit peu de ministère. Là, on voit ses 3 années de ministère, et là, il souffre, il est rejeté, puis finalement, il meurt. De temps en temps, des fois, ils vont monter la résurrection. J'ai jamais vu un film, puis j'ai très rarement vu des photos de Jésus assis sur un trône et qui règne. On le présente toujours, mort sur une croix. C'est correct. Il faut que les gens comprennent ça. Mais nous, les chrétiens, on devrait le voir assis sur un trône. Parce qu'il règne. Puis je veux que vous regardiez bien Jésus. Je vais vous le présenter là, pendant les 22 chapitres. Jésus est assis sur un trône, puis il règne sur vous autres, il règne sur l'Église, il règne sur le monde. Même si vous autres d'en bas, vous voyez que tout est c'est le bordel. Ça va mal, tout est croche, vous vous faites tuer, vous mourrez. Oui, mais dit, lui, il ne voit pas d'en bas, il voit d'en haut vers le bas. Puis pour lui, tout est au contrôle. Ça fonctionne comme lui veut. C'est lui qui est le contrôle de tout ça. C'est lui qui planifie tous les événements. Il dit, à lui soit la gloire. Parce que quoi? Il nous aime, il nous a délivrés de nos péchés et a fait de nous un royaume de sacrificateurs pour Dieu son Père. Donc il dit, Dieu, on doit le voir dans la gloire à cause de tout ce qu'il a fait pour nous. Autant dans le passé que dans le futur. Parce qu'il a fait de nous un peuple de sacrificateurs. C'est quoi ça, des sacrificateurs? Des prêtres? Merci. Ça fait quoi, t'es prêtre? Hein? Il fait des offrandes. Les prêtres, dans le temple, ils servaient quoi? Ils servaient Dieu. C'était le seul. Ils servaient-tu le peuple? Non. Ils servaient Dieu. Les Lévites avaient été mis à part pour le service dans le temple, pour servir la gloire de Dieu. Il dit, vous autres aussi, François, vous autres aussi, vous avez été sauvés, libérés, lavés de vos péchés pour être des sacrificateurs, pour servir votre Dieu. Pour que vous lui donniez toute la gloire, toute la puissance. Donc, je vous souhaite la grâce et la paix, mais je souhaite aussi que vous puissiez contempler la gloire et la puissance de Jésus. Parce que c'est ça qu'on va voir, ça, dans la... Nous allons voir Dieu laisser sortir toute sa puissance, toute sa force, toute son énergie, toute sa justice, toute sa sainteté pour amener une fin à ce monde dans lequel le péché était tout puissant ou puissant. Et une autre chose, il dit, voici, il vient. Voici, il vient sur les nuées et tout le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Il va montrer sa puissance et son règne en détruisant le mal, le péché. Ça vous arrive-tu des fois de vous dire, si Jésus revenait aujourd'hui et que les gens que je connais, les gens que j'aime, vont se lamenter? Pendant que nous, on va avoir les yeux vers le ciel, puis on va se réjouir à la planche. Ça va être pour nous autres la grande fête. Ça va être pour nous autres, on va avoir le sourire fendu jusqu'aux lèvres. On va regarder juste vers le ciel, Jésus qui s'en vient nous chercher. Mais pour les autres qui vont rester, ils vont se lamenter. Et nous savons, parce que la Bible nous dit, que la grande, grande majorité vont se lamenter. Et ça va être une manifestation. Et là, je me suis posé la question, est-ce que moi, je vais me lamenter qu'ils se lamentent? Est-ce que je vais pleurer, des voix pleurer? Est-ce que je vais voir mes enfants qui ne sont pas sauvés avec mes parents? Est-ce que je vais voir mes voisins, les gens que j'aime, mes petits-enfants qui ne sont pas sauvés? Est-ce que je vais les regarder puis je vais m'arracher les cheveux sur la tête? Non. Non, parce que là, ça ne serait plus le ciel, mon enfant. Moi, je crois que quand Jésus va revenir, je vais avoir les yeux juste pour lui. Je vais le regarder, il va venir me chercher, je m'en vais. Et les choses passées, ça va être passé. Sans ça, je me lamenterai longtemps. Et je vais être capable de regarder l'événement comme Jésus la regarde, et pas comme moi je la regarderais en tant qu'être humain. Dieu dit, je souhaite que vous ayez la grâce et la paix, et je souhaite que vous puissiez voir, pendant qu'on va regarder ça, la puissance et de Jésus et sa gloire qui vont venir. Ensuite, il va parler d'une autre chose, il dit, la seconde venue de Jésus, verset 7, « Voici, il vient ». Il veut qu'on puisse regarder. Il dit, parce qu'il avait dit ça à l'Église avant de partir, hein? Voici, je reviens. Je reviens bientôt. Il a dit ça à l'Église. Il a dit ça avant de monter dans le ciel. Je reviens bientôt. Hein? Bientôt, pour nous autres, c'est pas si long que ça, là. 2000 ans, c'est un peu long. Mais je reviens bientôt. Puis là, il le répète, si Jean dit, voici, il vient sur des nuées. Il vient. Il vient pour vous bénir, venez vous chercher. Il vient pour détruire ceux qui ne sont pas chrétiens. Il vient bientôt. Et donc, le livre, ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez souhaiter, vous puissiez désirer ou anticiper la venue de Jésus, la deuxième venue de Jésus. Frères et sœurs, nous avons besoin, entre nous, d'en parler. Nous avons besoin de méditer là-dessus. Il revient nous chercher. Une fois, j'avais dit à ma fille, moi et ma femme, on partait. Je me souviens pas ce qu'on s'en allait dans un congrès ou si on allait en vacances. Puis là, j'ai passé devant la chambre de ma fille. Elle avait à peu près 6-7 ans. J'ai dit, demain, Madame Telle, elle va venir vous chercher, vous allez aller faire garder à telle place, ta. Puis elle, ma soeur, elle est là, parce que c'était en campagne, les petits animaux, tout ça. Elle dit, oui, c'est bon. Elle dit, elle est contente. Puis je repasse, une petite chose après. Il y avait une valise à la porte. J'ai dit, c'est qui cette valise-là? « C'est la mienne. Je suis prêt. » Elle dit « J'attends. » Elle vivait dans l'anticipation de partir. Puis toute la soirée était de bonne humeur. On lui a dit « Va te coucher, t'es scouffé. » La vie était belle d'un coup sec. Parce qu'elle avait un désir, là, un rêve, un petit quelque chose qui s'en venait bientôt, là, demain. On l'emmenait voir ses amis et toutes les affaires. Puis nous, on devrait être comme ça, hein, les chrétiens. Notre valise faite sur le bord de la porte. Dire, on attend le Seigneur. On l'attend le Seigneur, il va venir le chercher. Ça peut être demain, ça peut être dans 2 semaines, ça peut être dans 1 mois, mais on l'attend. Et ça devrait nous donner la joie, du bonheur. Mais pas juste parce qu'on va être débarrassé de nos problèmes, parce qu'on désire que celui qu'on aime soit élevé, soit exalté enfin. Parce que vous savez, le monde dans lequel on vit, je vous donne un exemple, j'ai regardé l'US Open, comme je vous l'ai dit, Il y avait une femme qui a joué, là, et elle est allée dans les finales. Hier, elle a perdu, finalement, mais elle jouait, puis elle faisait un service épouvantable, épouvantable. Les services à 52 km/h, j'en fais autant, puis je suis loin de professionnel. Puis elle a fait ça, elle a perdu à cause de ce service-là. Mais ce que je veux dire, c'est que pendant la semaine qu'elle était là, au Super, que les gens la voyaient, elle dit qu'elle entendait les rumeurs dans la foule, qu'elle était borienne, qu'elle avait un service poche, puis elle avait ça, puis les médias parlaient de ça, puis la montait toujours en train de faire son service poche. Elle était comme, elle trouvait ça dur de vivre à travers ça. Et elle avait hâte quasiment que ça finisse. Et nous autres, on vit dans un monde où est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ, notre bien-aimé Maître, celui qui nous a sauvés, on écrit des bêtises à journée longue, on se moque de lui, on le rejette, on dit que c'est pas vrai, c'est un menteur, on dit que c'est extraterrestre, d'autres disent n'importe quoi. On se moque de notre Dieu, de notre Jésus. On devrait avoir hâte qu'il revienne juste pour que tout cela arrête. Ça va arrêter, mais qu'il vienne, tu sais. Ils vont tomber à genoux. Ils vont se lamenter. Ça va être fini. Ça va arrêter, ça. Ils vont arrêter de se moquer de celui qu'on aime. Ils vont arrêter de dire qu'il est un menteur, puis une espèce d'extraterrestre, puis un homosexuel, qui a couché avec Marie-Madeleine. Tu sais, ils disent n'importe quoi sur lui, hein. Ils vont arrêter de le montrer comme un petit bébé dans les bras de Marie. Ils vont arrêter de le montrer comme ça, parce qu'ils ne le verront plus comme ça. Ah, il va être sur un trône, puis il va régner. Puis Marie va être à genoux, sur le trône de Lucie. C'est pas Jésus qui est à genoux auprès de Marie, c'est Marie qui est à genoux auprès de Jésus. Ça va arrêter tous ces mensonges face à Jésus. C'est pour ça qu'on devrait désirer qu'il vienne, que ça finisse, cette histoire-là. Et un dernier, en terminant, un dernier souhait, il dit que l'établissement du royaume de Dieu, au verset 8, il désire, « Je suis l'alpha et l'oméga, ça veut dire la fin et le commencement, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Donc, on désire l'établissement du royaume de Dieu. Dieu vient établir son royaume. Dieu va venir enlever tout ce qui est mal, tout ce qui est péché, tout ce qui est négatif au niveau moral. Il va tout enlever ça. C'est vrai qu'on va dire, il va mettre ça dans une petite bouteille, puis ça va être fini. Il va envoyer ça en enfer, puis on verra, puis ça, c'est fini. On va le voir en Apocalypse 20, prendre la bête, hein, le diable, le serpent, il va le prendre, mettre une grosse chaîne après, on est dans l'abîme. J'ai envie d'applaudir. C'est bon, il finit. Il ne verra plus. Il va sortir un petit bout, mais il va descendre après. Il va sortir la tête, il va donner une autre tape dessus. Reste là, dans le trou. Ça va être fini. Notre Dieu va établir son royaume. Et tout le long, vous allez voir dans le chapitre, il va dire, et Dieu entra dans son règne. Et Dieu entra dans son règne. Il dit ça des dizaines et des dizaines de fois. Et nous, on souhaite, Dieu vient établir ton, notre Père, que ton règne vienne. C'est ce qu'on veut dire ici. L'Église prie que ton règne vienne. Et finalement, Dieu dit, mon règne est arrivé. Et les chrétiens applaudissent comme des fous, sont heureux que le règne de Dieu est arrivé. Et finalement, ils vont régner avec lui dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. Donc, ce sont les souhaits de Dieu. Je te souhaite la grâce et la paix. Je te souhaite que la gloire de Jésus, je souhaite que la gloire de Jésus éclate. Je souhaite que le royaume de Dieu s'établisse. Donc, il souhaite ça. Il souhaite que le monde voit que Christ et Dieu sont les maîtres. Et c'est notre souhait aussi. Prions en terminant. Notre Père du ciel, pendant qu'on va étudier ensemble ce merveilleux livre, nous aimerions que ces quatre souhaits soient dans notre cœur. Qu'on comprenne que tu veux notre paix et notre joie, notre bonheur. Qu'on comprenne que tout va se découler pour toi, pour ta gloire, pour ta puissance, pour ton règne s'établissant. Seigneur, aide-nous à détourner nos yeux de nous et qu'on tourne nos yeux vers le ciel. Qu'on puisse vivre comme Jean. Jean regardait toujours vers le ciel pendant qu'on lui parlait. C'est de là que va venir notre grâce et notre paix. Aide-nous, Seigneur. Et qu'on puisse, pendant la semaine qui vient, qu'on puisse être rempli de joie, qu'on puisse être comme un peu comme ma fille, avec notre valise à la main, et on attend celui qui vient nous chercher. Et qu'on puisse le dire aux autres, « Hé, Jésus revient, es-tu prêt? Es-tu prêt? » Utilise-nous, Seigneur. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos manques, tu connais nos peurs et nos craintes. lorsqu'on fie en toi, lorsqu'on fie en l'Esprit Saint que tu as mis en nous, et que tu puisses nous utiliser pour l'avancement de ton règne, au nom de Jésus. Amen.